Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbo Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec notre ami Michel Dugas. Il y a des équipes déjà en vacances. Les Huskies de Rouyn-Noranda, son équipe, ça n'a pas été long. On en parle avec Michel. Salut Michel! Salut Danny. Michel, ça n'a pas été long la série entre les Huskies de Rouyn-Noranda et également les Tigres de Victoriaville. Ben, je m'étais dit, je m'étais fait cette réflexion-là, puis finalement, autant Mario Pouliette que quand tu écoutes un gars comme Raphaël Harvey-Pinard ou d'autres joueurs des Huskies s'étaient dit à l'époque, il n'y a pas longtemps, lorsqu'ils ont sorti les Tigres, on a retenu des leçons de la série contre Shawinigan. Mm. Il y avait peut-être une espèce d'aura de confiance. Il y avait quand même 86 points d'écart entre les deux équipes. Et les Cataractes ont causé la surprise là en étant capables de remporter deux matchs. Mais dans la deuxième ronde, là, je te l'avais dit la semaine passée dans mes prédictions, Danny, que les Tigres ne feraient pas long feu pour plusieurs raisons. Ben, l'une d'entre elles, c'est que les Huskies se sont vraiment mis à la tâche au niveau discipline notamment. Mm-hmm. Et puis ben le reste, la défensive a fait le reste. Quand tu accordes seulement 3 buts en 4 matchs, et là-dessus que t'as, non, t'as, c'est quoi? C'est. Ouais, c'est ça, 3 buts en 4 matchs. Ouais. C'est difficile de remporter une série là, quand tu marques seulement 3 fois. Là, puis, si on parle de discipline, de l'avantage numérique des Huskies a été dominant. Donc puis il faut le dire, là, les Tigres en ont eu plein les bras avec les Foreurs de Val-d'Or en première ronde. Là, donc il y avait peut-être un petit facteur fatigue derrière ça aussi. Okay. Donc, sans trop de surprises, les Huskies qui passent dans le corridor. OK. Si maintenant, l'autre finale, Drummondville-Sherbrooke. Là aussi, je pense que, je me permets l'expression en anglais, le wake-up call. Là, ouais. Les Voltigeurs ont eu le wake-up call lors du premier match à Sherbrooke. C'est une équipe qui s'est présentée complètement à plat. Au centre Léopold-Drolet et ils en ont payé le prix. Le Phoenix qui est pas nécessairement de proie facile. C'est sûr que les Voltigeurs aspirent à beaucoup cette année. Je vais utiliser un terme de poker, ils sont là all-in cette année. Malheureusement, ils ont eu Husky de Rouyn-Noranda dans les pattes, mais ça, on n'extrapolera pas pour l'instant. Mais ce qu'on peut dire, c'est que moi, j'ai comme l'impression que la série va se terminer ce soir à Drummondville, mais que le Phoenix s'est quand même bien battu là, dans les circonstances. Ils sont allés chercher une victoire à Sherbrooke devant leurs partisans. Maintenant, Justin Thibault devra rebâtir là-dessus pour que son équipe arrive là à la prochaine étape, là, donc celle de devenir vraiment un aspirant au titre là, au cours des prochaines saisons. OK. Du côté maintenant de Halifax, qui pourrait finir ça ce soir? Halifax, c'est terminé, je pense. Pas Halifax, mais le Scénic de Rimouski, excuse-moi. Oh, oui, le Scénic... Là aussi, on a eu une petite frousse avec le deuxième match, les Screaming Eagles, que tu ne peux jamais compter pour battu, mais qui, malheureusement pour eux, là, ont eu des petites lacunes en défensive à domicile. Et il faut dire aussi là, que l'Océanique, les gros canons se sont réveillés, les Algorodny, les Lafrenière et compagnie. Donc, là aussi, en fait, je dirais que ça va probablement se terminer, peut-être pas ce soir, parce que okay. Moi, je pense que c'est une série 2-3-2. Ouais. Donc, le match ce soir est au Cap-Breton. Moi, je pense que l'équipe de Marc-André Dumont est une équipe qui démontre beaucoup de fierté. Mm. Donc, à cause de ça, j'ai l'impression qu'on va peut-être remporter le match de ce soir. Ça va probablement être un match très serré. On va resserrer la défensive du côté des Eagles, mais après ça, les deux derniers matchs à Rimouski, là, ça va être... La commande va être lourde là, pour les Screaming Eagles si on veut remporter cette série-là. Et la dernière série, c'est les Moussets d'Halifax qui ont remporté la série des Maritimes. Oui, ben ça s'est fini en 4 de ce côté-là aussi. Un peu à l'instar des Huskies, c'est une équipe qui a eu droit à un bon wake-up call au cours de la première ronde. Personne ne voyait les Remparts de Québec pousser les Mooseheads à la limite comme ils l'ont fait. Et je pense que ça a été un bon message pour Éric Veilleux. Et s'il y a une force dans cette équipe-là, c'est l'expérience d'Éric Veilleux au niveau à la barre des Mooseheads. Donc, il va être capable de prendre ses gros canons, il va être capable de prendre sa défensive, puis de les mettre dans le bon contexte. C'est un excellent entraîneur, un excellent stratège pour ce qui est du hockey de situation, Éric Veilleux. Moi, je les vu aller à Bécomo, là. Bon, certains diront que ça remonte un peu quand ils avaient atteint la finale en 2014 face au Forêt de Val-d'Or. On avait eu l'occasion de le voir travailler de très près ici, là. Mais ce que je peux dire, c'est que pour la prochaine ronde, et c'est là que ça va devenir intéressant. Si je ne m'abuse, les Mooseheads devraient rencontrer les Voltigeurs. Si toute chose étant égale par ailleurs, si on, mettons, qu'on donne la victoire aux Voltigeurs puis qu'on présume là, que l'Océanique va sortir les Screaming Eagles, je pense qu'on y va par le classement. Donc, l'Océanique rencontrerait les Huskies puis les Mooseheads seraient opposés aux Voltigeurs. Et là, on aurait droit à toute une série là, entre un entraîneur inexpérimenté, mais qui a les mains pleines, puis un entraîneur d'expérience qui a quand même une bonne équipe, mais qui est peut-être pas nécessairement aussi bourré de talent que les Voltigeurs. OK. Michel, on s'en parle la semaine prochaine? Absolument. Voilà, donc Michel Dugas pour les séries de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.